On porta le vieillard au prochain cimetière, enclos désert, muré d'un mur croulant, auprès de l'église, âpre et nue, point ornée de cyprès, ni de tombeau hautain, ni d'inscription fausse. On entrait dans ce champ, plein de croix et de fosses, lieu sévère, où la mort dort, si Dieu le permet, par une grille en bois que la nuit enfermait. Au barreau s'ajoutait le croisement d'un lierre. Le petit enfant, chose obscure et singulière, considéra l'entrée avec attention. Le sort, pour les enfants, est une vision, et la vie, à leurs yeux, apparaît comme un rêve. Hélas, la nuit descend sur l'astre qui se lève. Paul n'avait que 3 ans. Vilain petit Satan, méchant enfant, le voir m'exaspère. Va-t'en, va-t'en, je te battrai. Il est insupportable. Je suis trop bonne encore de le souffrir à table. Il m'a taché ma robe, il a bu tout le lait. À la cave, au pain sec. Et puis, il est si laid.